La vérité, c'est que j'ai même pas appris à rapper. Non, je suis allé. Ceci est un braco, levez les bras haut. Tout le monde est cerné. La famille et le place qu'on m'a décerné. Plutôt que d'avoir le cul ouvert, je préfère avoir l'esprit trop fermé. Je rapporte qu'ils sont concernés. Les garçons qui roulent sans permis. Mes frères ont armé, mes partenaires de Cermi. Orleans, ma vie, l'école du crime. Elle doit à dos de la vermine. Dis-toi que ton futur commence, c'est là que notre passé se termine. Get marqué de crépus, tous coupés au prépuce. Nous, on se fout, t'arrêtes pute, t'es un faux mac, mais t'es une vraie pute. Écoute comment j'exécute, j't'écoute sur un but qui démonte. Et mon boss démon, comme ma barre et mon pécule. Car oui, je vais faire des tues. Mes mises, n'en espère pas une. Si tout le monde a vu, t'as l'autre cul, t'as la chatte comme le trou de la sécu. C'est tuy, oh yeah, oh. Bébé Bélec, lyrical, bébé Bélec. Juste te plaît, ça fait bref. Ceux qui sont les vrais, non. Tu peux nous voir dans le club ou dans le bloc. En équipe, genre les clips, c'est les plus, hein. Bébé Bélec, c'est la bébé Boulette. DJ, scratch ma galette, c'est pour les soulettes et les foulettes. Okay. Tu peux nous voir dans le club ou dans le bloc. En équipe, genre les clips, c'est les plus, hein. Bébé Bélec, c'est la bébé Boulette. DJ, scratch ma galette, c'est pour les soulettes et les foulettes. Okay. J'fais même pas exprès de manquer de respect. C'est pas la gloire que j'espère, mais les espèces. Donc laisse faire les experts. Veille sur ta bouffe et ta rose, frère. Me demande pas d'où me vient ce gloss sur mes pecs et ma beule. Ça risque de pas plaire. Bête de sexe, mec de test, cherche le pèse. Baisse les decks, elle te respecte. Mais les bails dans la paire Nike Air, c'est pépère. Parfois on gagne, parfois on perd. C'est le dur salaire de la galère. 45 et qui est, va niquer ta mère. On navigue de l'autre côté de la rive. Les nerfs à vivre, dans nos crânes, c'était la vie. La nuit, on rappe ce que le jour, on est occupé à vivre. Sarkozy veut notre peau comme les cafards qui squattent son grenier. J'ai les gros qui troulent le plafond de mes voisins du premier. Ce que je fais mieux, c'est avoir le seum. J'ai ce qu'il faut dans les couilles pour créer une race à moi seul. Je laisse les putains jacter, raconter leurs deux mères. Y'a rien de bon qui sort de leur bouche, à part nos boules et des gouttes de nos pères. Tu peux nous voir dans le club ou dans le bloc. En équipe, genre les clips, c'est les plus, hein. Bébé Bélec, c'est la bébé Boulette. DJ, scratch ma galette, c'est pour les soulettes et les foulettes. Tu peux nous voir dans le club ou dans le bloc. En équipe, genre les clips, c'est les plus, hein. Bébé Bélec, c'est la bébé Boulette. DJ, scratch ma galette, c'est pour les soulettes et les foulettes. Ok, dossier, hein. Salmon, 45, demande à Mr. Zeb, hein. Wesh, c'est cool, t'as les coups, hein. Moussa, Lulu, ok, hein. 2007, 45, infanterie, triangle des permis. Wesh, Nars.